بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في درسنا الثالث في تفسير سورة الفاتحة Aujourd'hui on commence, on entame le troisième cours dans l'exégèse de سورة الفاتحة. On a vu précédemment la Basmala. On a vu le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa qad ra'ayna anna hadhihi al-aya tashtamilu 'ala anwa' at-tawhid al-thalath. On a vu que ce premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ce premier verset englobe les trois formes de tawhid, les trois formes d'unicité. Où est-ce qu'on trouve les trois formes d'unicité dans ce premier verset? الحمد لله رب العالمين فقط انواع التوحيد الثلاثه رب العالمين c'est quoi رب العالمين seigneur de l'univers c'est توحيد الربوبيه l'unicité dans la seigneurie طيب الحمد لله c'est quoi c'est l'unicité Alhamdulillah, c'est l'ouluhiyya. Et Esma Wasifat, il est où? Alhamdulillah. Alhamdulillah aussi? Non, Allah. Aïwa, Allah, Lillah. Et donc Lillah, le nom d'Allah Azza wa Jal, Esma Wasitawahidul Esma Wasifat, l'unicité dans les noms et attributs. Alhamdu, hadha min tawahid, al-ouluhiyya. Et donc Alhamdu, donc toutes les louanges reviennent à Allah. Les louanges, ça fait partie de l'unicité dans l'adoration, parce que c'est nous qui allons louer Allah tabaraka wa ta'ala. Ma ma'ana Allah? Hein? Al-ma'boud, barakallahu fik. Al-ma'boud, jazakumullahu khiran. Taïb, dernière question avant de commencer. Min ayna yufhamu min hadhihi al-aya, alhamdulillahi rabbil alamin. Je veux la réponse par là-bas, là, maintenant. Par la gauche. Ah, les frères. Donc alors, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'où on tire de ce verset Anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-mustahiqu lil-ibada. D'où on tire que dans ce verset que Allah, c'est lui qui mérite l'adoration. Réponse là-bas, à gauche. Pas à votre gauche, à la mienne. Alors, on repasse à droite. Comment dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rabbil Alamin, tu es proche, mais je veux plus de détails. Alors là, tu m'as cité Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers. Ok. Où est-ce? Explique-moi dans ce passage, qu'est-ce qui implique, qu'est-ce qui montre que Allah est le seul à mériter l'adoration? Hein? J'ai pas entendu. Ah, Rabbul Alamin. Donc, Al-Rububiya, parmi les actes de Al-Rububiya, on a Al-Khalek, le fait qu'il a tout créé. Et donc, il a créé toutes choses. Vu qu'il a créé toute chose, c'est lui qui mérite d'être adoré. Taïb, vu qu'il a créé toute chose, c'est lui le seul à mériter l'adoration. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Taïb, aujourd'hui, on va voir la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le verset qui vient après, c'est quoi? Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa qad takallamna an hadhain al-ismayn. On a déjà parlé de ces deux noms. On a dit Ar-Rahman, ça veut dire? Ça, là, tu vas citer la traduction quand tu ouvres le mushaf. Moi, je veux l'explication. Hein? Dhul-Rahmati al-Wasi'a. Ar-Rahman, celui qui possède la miséricorde vaste. Taïb, Ar-Rahim. Ça, c'est un call. Mais on avait dit Ar-Rajih, c'est que Dhurrahmati el-wasila, celui qui possède la miséricorde, celui qui fait parvenir sa miséricorde à qui il veut parmi ses créatures. Tayyib. Et donc on avait dit un des deux c'est Sifa, c'est l'attribut, et l'autre c'est El-Fial. C'est lequel qui est lié à Sifa? Lequel des deux noms, Ar-Rahman, Ar-Rahim, lequel des deux noms, Yarhamukallah, lequel des deux noms est lié à l'attribut et lequel est lié à l'acte? Hein? Ar-Rahman Sifat. Barakallahu fik. Mashallah. Ar-Rahman, c'est lié à l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Il est le possesseur de la miséricorde vaste. Ar-Rahim, c'est lié à l'acte. Il fait parvenir sa miséricorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Fal muslimu yarju rahmata rabbih mahma balagat dhunubuhu. Et donc le croyant, il espère bénéficier de la miséricorde de son Seigneur, peu importe le nombre de ses péchés. Peu importe le nombre de tes péchés, tu ne dois pas désespérer de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal qui dit « Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. » Ô mes serviteurs qui se sont fait injustice à eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Et certains, ils tombent dans ce piège quand ils regardent leurs péchés, ils se disent « Ah non, khalas, c'est bon, je suis fini. » Il y a Shaitan qui vient, ben, tant qu'à faire, hein, continue. Ben oui, tant qu'à faire, vu tout ce que tu as fait, finis bien. Non, reprends-toi, mon frère, et ne désespère pas de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il pardonne tous les péchés. Akhraj al-Bukhari wa muslimun fi sahihayhima an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala lamma qada Allah ta'ala al-khalqa كتب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. البخاري ومسلم cité dans leurs recueils respectifs الصحيحين selon Abi Huraira رضي الله عنه que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit lorsque Allah a fini la création, lorsqu'il a fini de créer toutes choses, les cieux et la terre, lorsqu'il a fini de créer tout cela, Allah tabaraka wa ta'ala a inscrit auprès de lui, au-dessus du trône. Il a écrit « Inna rahmati sabaqat ghadabi ». Certes, ma miséricorde a précédé, a le dessus sur ma colère. Subhanallah. On a déjà vu énormément d'ahadiths qui vont dans ce sens. La femme qui était prostituée, une prostituée, qui a nourri un chien, elle a abreuvé un chien, elle a fait preuve de miséricorde envers cet animal qui était assoiffé, Allah tabaraka wa ta'ala lui a fait miséricorde, il lui a pardonné. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le tout miséricordieux. Wa ta'ammalu ayyuhal ikhwa fi nasihati Ya'qub li benih. Méditez, ô chers frères, sur le conseil que Ya'qub a donné à ses fils. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Oh mes enfants, allez et cherchez Yusuf et son frère. Cherchez-le. Wa la tayasu min rawhillah, innahu la yayasu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Et ne désespérez pas de la miséricorde et du secours d'Allah, ar-rawh. Car certes, il n'y a que les peuples incroyants qui désespèrent de la miséricorde et du secours d'Allah. Cheikh Sa'di, rahimahullah, il dit dans son tafsir, « فَإِنَّ الرَّجَاء يُجِبُ لِلْعَبْدِ السَّعْيَ وَالْإِجْتِهَادَ فِي مَا رَجَاء. » Car certes, l'espoir implique que le serviteur va faire les causes et va s'efforcer d'atteindre ce qu'il espère. Le serviteur va s'efforcer, il va faire les causes pour atteindre ce qu'il espère. Wal iyas yujibu lahu at-tathaqul wa at-tabatu. Par contre, le fait de désespérer, cela va impliquer le fait que le serviteur va trouver cela lourd et difficile et long. Ensuite, il continue, rahimahullah, il dit wa aula ma raja al ibad fadlullahi wa ihsan wa fadlallahi wa ihsanahu wa rahmatahu wa rawhahu. Et l'élément le prioritaire, l'élément le plus important que les serviteurs espèrent est la grâce d'Allah, ainsi que sa bonté, sa miséricorde et son secours. Et ensuite, il cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, innahu la yayasu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. Certes, il n'y a que les peuples incroyants qui désespèrent de la miséricorde et du secours d'Allah. Il dit le Cheikh Sa'di, fa innahum li kufrihim yastab'iduna rahmatahu wa rahmatuhu ba'idatu minhum fala tatashabbahu bil kafirin. Il dit certes, ces incroyants, à cause de leur incroyance, ils voient que la miséricorde est lointaine. Elle n'est pas atteignable. On ne peut pas bénéficier de la miséricorde d'Allah. Et cela à cause de leur incroyance. Et ensuite, il dit certes, la miséricorde d'Allah est loin d'eux, des incroyants. La miséricorde d'Allah est loin d'eux. Alors, ne faites pas en sorte de les ressembler. Ne faites pas en sorte de ressembler aux incroyants. Les musulmans, il est impératif qu'ils ne désespèrent pas de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fallahu tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-aya yahuthuna 'ala ar-raja min rahmatihi. Donc Allah dans ce verset Ar-Rahman Ar-Rahim, il nous pousse à espérer sa miséricorde. والعباد فيما بينهم ينبغي لهم كذلك أن يتراحموا فيما بينهم. Et aussi les serviteurs, il est important qu'ils se fassent miséricorde mutuellement. Il est important que les serviteurs se fassent miséricorde mutuellement. Allah tabaraka wa ta'ala il cite la parole de Moussa alayhi salam qui dit qul rabbi ighfir li wa akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Moussa qui dit ô Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mon frère et fais-nous bénéficier de ta miséricorde. Tu es certes le plus miséricordieux des miséricordieux. Les savants nous citent, et donc on comprend ici de ce verset que Allah c'est le plus miséricordieux. Mais que ses créatures aussi se font miséricorde. وَلَا شَكَّ أَنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ لَيْسَ كَرَحْمَةِ الْعِبَادِ. Et il n'y a nul doute que la miséricorde d'Allah n'est pas comme la miséricorde des créatures, des serviteurs. Cependant, nous devons, il est impératif qu'il y ait de la miséricorde entre nous. Rappelez-vous du hadith très connu cité dans le recueil d'Abu Daoud, an Abdillah ibn Amr, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam akol, ar-rahimun, yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard, yarhamkum man fil sama. Ar-rahimun, les miséricordieux, ar-rahman, le tout miséricordieux leur fait miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre. Celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Et donc il est important aux serviteurs d'Allah qu'on accorde énormément d'importance et qu'on comprenne réellement ce verset Ar-Rahman Ar-Rahim. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala il dit Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Ad-din ou al-jaza. Ici Ad-din, le mot din, c'est la rétribution. Fahum yujaza, on a bihasabi a'malihim. Et donc ils seront rétribués, les serviteurs, en fonction de leurs œuvres. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wa wudi'a al-kitab. Et le livre sera placé, c'est-à-dire le livre de chacun. Chacun aura son livre afin qu'il puisse voir ses actions. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. Et tu verras les criminels effrayés, inquiets de ce que contient ce livre. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Et ils diront, malheur à nous, car ce livre n'a rien délaissé, ni petit péché, ni grand. Il ne délaisse rien sans qu'il le dénombre. Tout est péché. Les plus petits, que dire des plus grands? Tous tes péchés seront dénombrés. Et donc ces gens-là, ces criminels, en ce jour-là, lorsqu'ils verront ce livre, ils seront terrifiés. Ensuite, Allah qui dit, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Et ils trouveront leurs agissements présents, ils trouveront tout ce qu'ils ont fait dans ce livre. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et ton Seigneur ne fait injustice à personne. Et donc ce jour-là sera un jour terrible, chers frères. وَفِي هَذَا الْيَوْمِ لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ شَيْئًا لِأَحَدٍ. Et en ce jour-là, le jour de la rétribution, personne ne pourra rien pour quiconque. L'al-aqarib, ni les proches. L'al-ashab, ni les amis. Personne ne pourra rien pour quiconque en ce jour. Rappelez-vous, lorsqu'on a vu, donc dans le tafsir de Juz Amma, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « Wa innal fujjara la fi jahim. » Certes, les fujjars, les grands désobéissants, seront dans Jahim, dans un enfer, dans un feu terrible. Yaslawnaha yawmiddin. Ils y brûleront au jour de la rétribution. Wa ma hum anha bira'ibin. Et ils n'y sortiront pas. Ils n'y sortiront pas. Wa ma adraka ma yawmiddin. Et qu'est-ce qui te fera savoir ce qu'est le jour de la rétribution? Thumma ma adraka ma yawmiddin. Puis, qu'est-ce qui te fera savoir? Qu'est-ce que le jour de la rétribution? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Le jour durant lequel aucune âme ne pourra rien pour une autre. Et le commandement en ce jour-là sera pour Allah seul. Et donc, on doit se préparer, oh chers frères, pour ce jour terrible. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit aussi فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَى. Celui qui accomplit ne serait-ce que le poids d'un atome de bien le verra en ce jour, le jour de la rétribution. Et celui qui accomplit ne serait-ce que le poids d'un atome de mal, de mauvaise action, il le verra aussi. Et donc tout ce qu'on accomplit comme action, on va le retrouver au jour de la rétribution. Et cela, ça implique, aux chers frères, « هَذَا يُجِبُ الْخَوْفِ ». Cela, ça implique qu'on craigne, qu'on ait peur et qu'on se prépare de ce jour pour ce jour terrible. « إِذَنْ الْمُسْلِمُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ. » Et donc, le musulman, il doit rassembler les deux éléments. On a vu tout d'abord Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et donc on espère la miséricorde d'Allah, on ne désespère pas. Mais on ne tombe pas dans le piège. Attention, comme on voit aujourd'hui, عند النصارى فإنهم يرون أَنَّ ذُنُوبَهُمْ أَوْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ ذُنُوبَهُمْ مَغْفُورًا بِصَلْبِ عِيسَى. Et donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont la croyance que leurs péchés sont pardonnés par le fait que Isa a été crucifié. Il a sauvé tout le monde, il s'est sacrifié pour nos péchés. Et donc, nos péchés sont pardonnés. Pourquoi? Et donc, Allez, tout le monde, c'est la fornication. Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pour ça qu'ils nous disent, aujourd'hui, comme j'ai parlé cette année avec un prêtre avant Ramadan, on parlait du jeûne. Il m'a dit, de toute façon, rien n'est obligatoire à aucun des enfants de Dieu. Rien n'est obligatoire. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de peur à avoir, de toute façon. Puisque, de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est déjà pardonné. C'est déjà pardonné. Et donc, nous, les musulmans, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. Nam tarju rahmat Allah. Tu espères la miséricorde d'Allah, oui. وَكَذَلِكَ تَخَافُ مِنْ عَذَابِهِ. Mais aussi, tu dois avoir peur de son châtiment. Allah, il nous a cité les deux versets l'un après l'autre. Ar-Rahman ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki yawmiddin. Le maître du jour de la rétribution. Et donc, tu dois rassembler les deux. Est-ce que tu dois avoir plus de crainte, plus de peur que d'espoir? Est-ce que tu dois avoir plus d'espoir que de crainte? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit inna al-abda yaj'al al-khawfa war-raja' ka janahay at-tayr ayyuhuma ghalab halaka sahibuhu. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, le serviteur, il doit placer l'espoir et la crainte comme les deux ailes de l'oiseau. Celui d'entre les deux qui a le dessus sur l'autre, alors son propriétaire est dans la perdition. Son propriétaire est dans la perdition. Man ghalab al-khawf 'ala ar-raja' tajiduhu yaqnatu min rahmatillah. Celui qui va faire en sorte d'avoir plus de crainte que d'espoir, tu vas voir qu'il désespère de la miséricorde d'Allah. Comme c'est le cas de beaucoup, ah non, c'est bon, j'ai fait trop de péchés, c'est pas possible, je vais pas réussir. Je vais pas réussir, c'est trop. Tu te dis, viens faire la salat. Non, c'est trop difficile, j'arrive pas, frère, tous les jours je fais des péchés, etc. Mais non, je peux pas. Je peux pas venir faire la salat alors qu'après j'ai des péchés et tout. Il désespère de la miséricorde d'Allah. Le sens inverse, comme on a cité l'exemple des chrétiens, et beaucoup parmi nos frères musulmans aussi. Yughallibuna ar-raja' 'ala al-khawf. Ils vont faire prévaloir l'espoir à la crainte. Tu lui dis, taqillah ya akhi, crains Allah, mon frère, attention tes péchés. Attention, inna Allah ghafur rahim. Il te dit, Allah, il est pardonneur. Allah, il pardonne les péchés. Ya akhi, attention tes péchés. Allah, il est pardonneur, il pardonne les péchés. Alhamdulillah. Faut pas qu'on tombe dans ce piège. Ne tombe pas dans le fait d'avoir plus de crainte que d'espoir. Et ne tombe pas dans le fait d'avoir plus d'espoir que de crainte. Mais tu dois avancer avec les deux ensemble. Tu dois avancer au serviteur d'Allah avec les deux ensemble. Et donc il y a aussi donc, dans cette parole, dans ce verset, on dit « Maliki yawmiddin », le maître du jour de la rétribution. Mais on dit aussi « Maliki yawmiddin », le souverain du jour de la rétribution. فَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَمَا يَشَى. Le maître du jour de la rétribution, il fait ce qu'il veut durant ce jour. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, le souverain du jour de la rétribution, لَا مُلْكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لَهُ. Personne en ce jour n'aura de royauté en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Personne. Rappelez-vous le hadith Ayn al-Muluk. Où sont les rois? Où sont les souverains? La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Limanil mulkul yaum. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À qui? Où sont les souverains? Lillahi al-wahid al-qahhar. À Allah, le seul, le tout-puissant, celui dont personne ne peut le vaincre. Ce jour terrible, chers frères, nous devons nous préparer pour ce jour-là. Et il y a un point essentiel aussi, oh chers frères, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala malikul ayyami kulliha. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le maître de tous les jours. Wa huwa malikul ayyami kulliha. et c'est aussi le souverain de tous les jours. Mais pourquoi est-ce qu'il a cité ce jour de façon spécifique? Comme on l'a dit précédemment, c'est que ce jour-là, personne ne pourra rien pour personne et personne n'aura de royauté en ce jour. Fel Moulouk, wa ghayrihim sawa. Et donc, les gouverneurs, les souverains et les autres seront tous égaux ce jour-là. Pas de distinction. Ils seront tous jugés en fonction de leurs œuvres. Et donc, on doit tous méditer, oh chers frères, sur ces deux versets qu'on a vus aujourd'hui. C'est important qu'on ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, peu importe nos péchés. Mais aussi qu'on craigne le châtiment d'Allah azza wa jal. Et on va continuer, on va aborder aussi ce sujet lorsqu'on verra le verset d'après, la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Waffaq Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.